Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un nouveau sujet consacré à notre petite voix intérieure. Parfois, elle nous juge avec dépréciation, parfois, elle est notre première supportrice et meilleure alliée pour nous mener au succès. Si nos conversations en tête-à-tête restent d'une discrétion absolue, ses humeurs pourtant nous impactent fortement dans notre manière d'être et de faire. Alors, qui est cette petite voix intérieure et faut-il l'écouter? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Pour mieux comprendre le sujet, première question, d'où vient cette petite voix dans notre tête, Stéphane? Notre petite voix intérieure est une sorte de représentation immatérielle de nos pensées élaborées intérieurement, intimement, sous la forme de mots, d'images ou de sons, comme des voix extérieures qui resteraient que dans notre tête. Loin d'être un simple accessoire et une fantaisie de notre cerveau, la petite voix intérieure a une vraie fonction. L'endophasie, c'est son petit nom en scientifique, se manifeste par exemple quand vous planifiez des choses, quand vous faites votre liste de courses, quand vous calculez, quand vous ruminez des idées et que vous devez prendre une décision, quand vous venez de faire une bêtise et que vous vous auto-flagellez, ou encore quand vous faites quelque chose de difficile, comme vous l'avez dit, et qui demande de l'engagement. Et là, vous vous motivez avec cette petite voix interne qui vous dit « vous allez y arriver ». Et elle est de trois types. L'intentionnalité, quand on choisit de l'actionner. Le vagabondage mental, vous savez, quand on se promène et que notre tête part et crée comme ça des images, des choses, des idées qui vous viennent à l'esprit comme ça. Et la dialoguité, pour se motiver, par exemple, comme vous l'avez dit, pour réussir, tu vas réussir, c'est l'auto-encouragement. Mais quel est donc son rôle précisément, Stéphane? C'est comme une discussion avec un partenaire de voyage. Si vous ne vous entendez pas bien avec cette personne, en l'occurrence vous-même, la conversation va peut-être pas bien tourner et il faut certainement vite changer de sujet. Car de partenaire, ça va être compliqué. C'est là que nous voyons l'intérêt d'être amis et bien avec soi-même pour se donner l'opportunité de dialoguer sereinement avec soi-même pour une certaine paix intérieure et une vie en harmonie avec soi-même et d'être en capacité de compter sur soi en cas de coup dur et de trouver ensemble avec soi-même des solutions. C'est aussi une façon d'être pleinement à ce que vous faites pour favoriser la mémoire instantanée, par exemple. Comme Samuel Jackson, qui chante pour le coup à voix haute dans le film Au revoir à jamais. Il s'agit là de soliloque. Et pour bien mémoriser et se rappeler ce qu'il fait, être en pleine conscience de ses actes. Comme fermer la porte et mettre la clé dans sa poche. Vous pourriez le faire aussi sans émettre de son, hein, avec votre voix intérieure, ça fonctionne également. Donc ça donne « et je ferme la porte à clé et je mets la clé dans la poche droite de ma veste », par exemple. Je savais que j'arriverais à vous faire chanter un jour, Stéphane. J'avais réussi. Ceci dit, elle a vraiment donc un rôle très, très important et on va voir un petit peu cela en détail. Merci Stéphane. Une petite voix qui change d'humeur comme de chemise, on le disait donc. Devons-nous écouter notre petite voix intérieure et est-elle fiable? Nous entendons dire il faut suivre son intuition et écouter sa voix intérieure. J'aurais tendance à dire oui et non. Tout va dépendre de la nature des propos et de l'influence qu'elle a sur votre prise de décision et du coup vos comportements. Car entre en jeu aussi votre état émotionnel. Votre voix intérieure va vous envoyer des messages en fonction de votre état d'esprit et de la qualité de vos émotions du moment. Par exemple, si vous n'êtes pas très bien et que vous êtes en difficulté, votre voix intérieure peut vous envoyer un message négatif comme « lâche l'affaire, abandonne, prends la fuite ». Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Alors que dans une situation plus détendue, le message pourrait être neutre ou favorable. Après, il y a un aspect plus technique de la voix intérieure qui consiste à débusquer les origines et les conséquences de ces messages sur votre réflexion et votre comportement. Je m'explique. Il s'agit notamment des croyances dites limitantes et aidantes que vous avez quant à votre propre personne, quant à votre propre fonctionnement, comme par exemple « je ne suis pas assez bon pour ce job » qui va vous freiner complètement. Alors que, pourquoi ne pas y aller? Ou encore les drivers, des petites phrases que vous avez en vous, souvent par héritage éducatif, léguées par vos parents, vos enseignants, vos proches, qui peuvent vous influencer en bien ou négativement, comme par exemple « ne réussis pas mon enfant, tu n'y arriveras pas » ou encore « sois parfait » qui peut constituer un vrai poison pour vous et votre entourage au travail ou dans la vie de tous les jours. Une petite voix presque incessante, mais alors comment la faire taire quand elle nous taquine? La question est quel serait l'intérêt de la faire taire? Vous me direz, dans le cas où elle vous agace, là je pense que vous vouliez en venir, quand vous ruminez des idées noires ou que vous n'êtes pas d'accord avec elle ou quand elle fait trop de bruit dans votre tête, c'est le cas quand on rumine, notamment la nuit, on n'arrive pas à dormir, ça fait un bruit qui est très désagréable. Le mieux est de l'apprivoiser et d'entrer dans une saine discussion afin de trouver un terrain d'entente, comme avec une autre personne, et d'aborder des sujets plus sereins, plus agréables pour vous. Et n'hésitez pas à reprendre les commandes. C'est qui le chef, finalement? Ce qui me conduit donc à la prochaine question. Est-il possible de programmer notre voix intérieure et en faire une alliée? Anglais, règle générale, la qualité des propos de notre voix interne est conditionnée par notre propre philosophie de vie et la façon dont nous appréhendons la vie en général et notre journée en particulier dès notre réveil. Par exemple, d'opter radicalement, et ça on en a déjà parlé, pour la positive attitude va influencer la teneur des propos de notre voix intérieure. C'est tout le sujet de la PNL, de la programmation neurolinguistique et de la psychologie positive, chère à son créateur Martin Seligman, qui dit « soyez positif et ça ira bien, ça ira mieux et ça influencera votre petite voix interne, intérieure. » Et concrètement, Stéphane, comment écouter sa petite voix intérieure ? Il s'agit simplement de l'accueillir en lui laissant de la place, en vous mettant au calme et en lui accordant du temps et de l'attention. De la même façon que les moments que vous offrez à un proche pour dialoguer, partager des idées et cultiver la notion de pleine conscience, comme cela se pratique dans la méditation dite de pleine conscience, qui fait la place à l'expression de cette voix intérieure. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si vous ressentez le besoin sur ce type de problématique. Merci Stéphane. Alors vous le disiez Stéphane, si vous pensez que vous manquez de bienveillance envers vous-même ou que vous souhaitez gagner en confiance en vous, n'hésitez pas à faire appel à un coach qui saura vous aider à en identifier les raisons et vous aider à trouver une vie plus épanouissante. N'hésitez donc pas à faire appel à Stéphane Masson ici présent. Vous recevez ça très régulièrement, donc des appels de personnes qui ont ce type de problématiques. Oui, bien sûr, hein, régulièrement, ça fait partie aussi de la confiance en soi, ça fait partie de l'équilibre et d'être en phase, en harmonie avec soi-même, oui. Et vous trouvez les solutions? On trouve les solutions, toujours. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à rejoindre Stéphane, ici présent. Vous êtes joignable donc par téléphone ou encore en visio, en chat, voilà, il y a plein de moyens à disposition. Vous mettez toutes les informations là dans le descriptif de cette vidéo. Vous retrouvez également toutes ces informations là sur le site internet de Stéphane qui est coach. -le-6plus.fr coach-plus.fr. Je vous invite également à rejoindre Stéphane sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram stéphane.masson.coach. Stéphane, un grand merci pour ce nouveau sujet. Avec plaisir, Émilie. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir, à bientôt à tous. Au revoir.